pour moi. Rien que toi, rien que toi, rien que toi pour moi. Des pleins ruisseaux dans le vallon silencieux, je ne peux t'oublier. À travers toi, toute ma peine, mes gisements d'or et mes fontaines, m'acclamer plus haut, toujours plus fort, car l'amour vaincra la mort. Toi, rien que toi pour moi.